bay Modou Puy mbeurum leblo won deuk bari mbeurum ay sax daan ay moruma ñep ñu am ben tournoi nak da digënte bari ak tege xam nga c'est des villages traditionnels yo xamantene ay rivo lañu une semaine avant ñu koy entraîner yobbu geej plage bu ñibé bif tek yi nen yi appi avant weñ yi lu ne lay yëkëti ñaxa toy xet ba japp japp bay sit ñu ne ko ah bay bo agé paré ba lay lamb jëré ken ak sama xel bës bi jot sti bi yëp ñëw jël tayu ne kat kat di xewul ben rapide jubal tegeej tegeej lañ ko doon bari biñ demay tegeej nak ah ko modern chef de file bi fallait que mu daan chef de file bi le pour ñu mëna jël coup bi ñu duggal rek arbitre du sifflé sifflé rek adversaire bi ñu xol ko mu jël courpay nak def ci bir bi def benen ci naw gi nokki ga aju da dal ci souf xam ñu jël andim ndox soti fi bu ne ñu def ko ñu soti ndox mu xi wa kan la ma bari kan la ma bari waxul na walenka buñ dugg ci auto ba xanta may bogu dal accident kan la ma bari entraîneur bi nekk topal faaway ndal ba yàggaw naan kan la ma bari